Et avant de penser à rien, que de pas penser du tout. Rien, c'est bien mieux rien, c'est bien mieux que tout. On se souvient de rien, et puisqu'on oublie tout. Rien, c'est bien mieux rien, c'est bien mieux que tout. Mieux vaut ne penser à rien que de penser à vous. Ça ne vaut rien, ça ne me vaut rien du tout. Comme si de rien n'était, je pense à tout. C'est petit rien qui me venait de vous. Si c'était trois fois rien entre nous, évidemment, ça ne fait pas beaucoup. Ce sont ces petits riens que j'ai mis bout à bout. Ces petits riens qui me venaient. Yeah.